France Musique. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the problem. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. This is Diane Paulus. Je m'appelle Diane Paulus, je suis ravi d'être ici. On this rainy day in Il pleut ici à New York. Bonjour, Diane Paulus. Bonjour. Vous parlez français un peu? Un peu. J'essaie de parler. On peut faire l'interview en français alors? Je ne pense pas. Ça sera difficile. C'est l'une des metteuses en scène les plus brillantes de Broadway. Sa toute nouvelle comédie musicale, très féministe, parle de violence conjugale et waitress, c'est le titre, est l'un des succès surprises de cette saison à Broadway. Elle a reçu en 2013 un Tony Award pour la reprise de la comédie musicale Pippin, où elle fondait brillamment les arts du cirque dans une comédie musicale philosophique. Et elle a reçu aussi en 2009 une nomination pour la reprise si vivante de Hair. Elle nous reçoit à New York durant une heure pour nous parler de sa vision de la comédie musicale. Diane Paulus sur la 42e rue de France Musique. When you are as old as I, my dear, and I hope that you never are, you will woefully wonder why, my dear, through your cataracts and Qatar. You could squander away or sequester a drop of a precious year. For when your best days are yester, the rest are twice as dear. What good is a field on a fine summer night if you sit all alone with the weeds? Or a succulent pear if with each juicy bite you spit out your teeth with the seeds? Before it's too late, stop trying to wait, for fortune and fate you're secure of. For there's one thing to be sure of, mate, there's nothing to be sure of. Oh, it's time to start living, time to take a little from this world we're given, time to take time, 'cause spring will turn to fall in just no time at all. I've never wondered if I was afraid when there was a challenge to take, and I never thought about how much I weighed when there was still one piece of cake. Maybe it's meant the hours I've spent feeling broken and bent and unwell, but there's still no cure so heaven sent as the chance to raise some hell. Everybody, oh, it's time to start living, time to take a little from the world we're given, time to take time, for spring will turn to fall in just no time at all. Sages tweet that age is sweet, good deeds and good work earn you laurels, but what could make you feel more obsolete than being noted for your morals? Give me a man who is handsome and strong, someone who's stalwart and steady. Give me a night that's romantic and long, then give me a month to get ready. Now I could waylay some aging roué and persuade him to play in some cranny, but it's hard to believe I'm being led astray by a man who calls me granny. One, two, three, four. Oh, it's time. la comédienne Andrea Martin, juchée à 2 mètres au-dessus du sol, sur un trapèze, sous une tente chapiteau, qui donne des conseils à son petit-fils, dans Pippin, la comédie musicale de Stephen Schwartz, recréée en 2013 par Diane Paulus, un conte philosophique et initiatique autour du destin de Pépin le Bossu, un fils bâtard de Charlemagne, qui, dans la comédie musicale, rêve, comme tout un chacun, d'une vie extraordinaire, tentera la luxure, tuera son père pour essayer d'être roi, et finalement fondera, tout simplement, si j'ose dire, un foyer avec femme et enfants. Une comédie musicale qui avait été créée à l'origine par Bob Fosse en 1972. La reprise, en 2013, sous la mise en scène de Diane Paulus, recevra le Tony Award de la meilleure comédie musicale, un mélange habile de cirque et de comédie musicale qui va inspirer beaucoup de metteurs en scène jusqu'en France, si l'on en juge, par exemple, par Love Circus, actuellement aux Folies Bergères, ou Timéo, qui sera à l'affiche l'an prochain au Casino de Paris. Alors, puisqu'on est avec Diane Paulus ce matin sur la 42e rue, je lui ai demandé tout simplement comment était née cette idée d'une presque cirque-comédie musicale. Pippin, je l'ai vu quand j'étais encore une petite fille et ça m'a marqué. C'était théâtral. C'était sexy. Je n'avais que 8 ans. Mais pour moi, c'était très, très séduisant cet aspect théâtral. Puis ensuite, j'ai connu l'album. En Amérique, on connaît tous cet album. 40 ans plus tard, il y a plein de gens qui connaissaient Pippin, mais ils ne se souvenaient pas du spectacle. Il y avait les chanceux qui se souvenaient du spectacle de Bob Fosse, mais il y a plein de gens qui ne connaissaient pas le spectacle. Et moi, je me suis dit qu'il y avait là quelque chose de sombre et de puissant que les gens avaient peut-être oublié. Et c'est ça qui m'a motivé. J'ai voulu à nouveau raconter cette histoire. C'était mon rêve. Je voulais fusionner les arts du cirque avec la comédie musicale et repousser les limites de la comédie musicale pour arriver dans un nouveau territoire. Et je me suis dit, si je pouvais voir des acrobates faire le poirier, faire des acrobaties, mais chanter aussi, et bien ce, c'est l'expression la plus aboutie de la comédie musicale. My days are brighter than morning air, evergreen pine and autumn blue. But all my days were twice as fair if I could share my days with you. My nights are warmer than fire coals, incense and stars and smoke bamboo. But nights were warm beyond compare if I could share my nights with you. To dance in my dreams, to shine when I need the sun. Are done, and oh, my dearest love, if you will take my love, then all my dreams are truly begun, and time weaves ribbons of memory. But I would need no memories there if I could share my life with you. En 1972, John Rubinstein interprétait Pippin dans sa création à Broadway, dans une mise en scène de Bob Fosse et cette chanson With You. Diane Paulus, pourquoi vous avez choisi Pippin en 2013, cette comédie musicale, pour réaliser ce rêve de mélanger cirque et comédie musicale? Well, Pippin is set with a troupe of players. Pippin, when you receive the script, that's all it says. C'est un spectacle où il y a une troupe de comédiens ou d'artistes, mais on ne connaît pas l'identité de ces artistes, on ne sait pas quelle est leur spécialité, mais on sait que ce sont des gens qui viennent en ville, ils racontent l'histoire de Pippin, et puis ensuite ils partent en tournée vers une autre ville. Bon, c'est tout ce qu'on sait. La grande question, c'est qui est cette troupe? Qui sont ces artistes? Que font-ils? Et lorsque Bob Fosse l'a fait dans les années 70, eh bien, c'était un petit peu comme une comédia dell'arte, avec quelques pointes d'art du cirque. Si vous regardez l'album, eh bien, les figures que l'on voit, les silhouettes que l'on voit, c'est un petit peu comme des artistes de cirque. Moi, je connaissais une troupe de Montréal qui s'appelait les Sept Doigts de la Main, une troupe d'acrobates qui, pour moi, donnait une dimension plus humaine, plus brute de l'acrobatie, l'anti-cirque du soleil, si vous voulez. Le cirque du soleil, c'est formidable, et ainsi de suite. Alors que les sept doigts de la main, c'est des créatures. Donc j'ai rencontré Gypsy Snyder et je lui ai proposé de faire Pippin. Que penses-tu de cette idée où il y aurait donc ce cirque ambulant, en quelque sorte? Et quand m'est venue cette idée, eh bien, ça a tout déverrouillé dans mon esprit, parce qu'il y a là une belle métaphore. Alors, je ne sais pas si c'est compréhensible en français, mais en fait, c'est le fait de s'évader avec le cirque. C'est une métaphore qui explique qu'on peut changer de vie pour mener une vie d'artiste de cirque. Ça signifie aussi, est-ce que vous avez le courage de renoncer à votre vie telle que vous la connaissez pour vous lancer dans l'inconnu et de faire quelque chose de peut-être effrayant, d'inattendu? Et c'est ça l'histoire de Pippin, à mes yeux. C'est en fait un défi que l'on ose relever pour prouver que nous pouvons mener une vie extraordinaire et que nous-mêmes, nous sommes extraordinaires. Et Gypsy m'a dit, eh bien, c'est ça la vie de l'acrobate. La vie de l'acrobate consiste à se repousser le plus loin possible, au-delà de ce qui semble possible pour un être humain, même si on va se faire mal. Donc, jusqu'où faut-il aller? Est-ce qu'on marche sur une corde raide? Est-ce que l'on saute dans un cerceau de feu? Et ainsi de suite. On marche sur les mains. Et voilà, c'est la quête de l'extraordinaire. Patching the roof and pitching the hay is not my idea of a perfect day. When you're extraordinary, you gotta do extraordinary things. I'm not the type who loses sleep over the size of the compost heap. When you're extraordinary, you think about extraordinary things. Oh, I once knew a man. He lived each day the same, safe and sane and swell. And when they told me he died, I didn't cry. All I could say was, how could they tell? Oh, looking at life from deep in a rut may give you a view of the sunshine, but it's unnecessary for someone who is very the doorboards are leaking and the chimney's in need of repair. If the garden has brambles and the yard is a shambles, well, I'm terribly sorry, but I don't care. I've got to be someone who lives all of his life in superlatives. I'm extraordinary. I gotta do extraordinary things. The fact that I'm special. Extraordinary, I need to do extraordinary things. Matthew James Thomas en 2013, Extraordinary, la chanson qui définit le mieux le personnage de Pippin dans cette comédie musicale. Je rêve de faire de ma vie quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vous, Diane Paulus, qui avez donc mis en scène à Broadway en 2013 Pippin en mélangeant artistes de cirque, acrobates, comédiens, chanteurs. L'effet était saisissant, tout concourait effectivement à raconter cette histoire. Quel fut le numéro le plus compliqué à mettre en place ? A magic to do. No question. The magic to do, sans hésitation. C'est le début du spectacle. À l'origine, nous avions des danseurs incroyables et puis des acrobates exceptionnels. Mais il était trop clair au début qu'il y avait d'une part les danseurs et d'autre part les acrobates. Et moi, j'ai dit à l'équipe, il faut que tout cela soit mélangé. Il ne faut pas que le public puisse faire la différence entre les danseurs, les acrobates ou les comédiens. Tout doit être fusionné et l'un doit pouvoir ressortir de l'autre. Voyez. Donc, lorsqu'il nous est venu cette idée, on a travaillé sur une cinquantaine de versions de ce numéro pour arriver à ce que vous avez vu au Music Box. Et sur le plan technique, c'était très compliqué. Parce que les acrobaties, c'est difficile à répéter. On ne peut pas répéter à l'infini. On ne peut pas dire, allez, on recommence. Les acrobates ne peuvent répéter que deux ou trois fois maximum. Donc, on prévoit tout, on organise les choses, il y a du danger, il y a des risques, il y a les danseurs qui se roulent par terre à mesure que l'acrobate vole par-dessus les danseurs. C'est un énorme défi technique, mais c'est la signature de notre Pippin à nous. Et puis l'idée du chapiteau qui tombe et on voit ce qu'il y a derrière. J'ai écouté les paroles, Join us, venez nous voir sous le chapiteau. Et je me suis dit, c'est formidable, c'est un petit peu comme un monsieur loyal qui harangue les foules en dehors du chapiteau. Il dit, venez voir, mesdames et messieurs, venez, vous allez voir, ça va peut-être changer votre vie, osez venir nous voir. C'est ça, la fameuse métaphore. Are you ready to have a good time tonight? This is where you hear. I know you come. I know you come. C'est une femme qui incarnait la meneuse de jeu dans Pippin, la comédie musicale en 2013. Patina Miller, Magic to Do. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. À New York, Pippin reçoit en 2013 le Tony Award de la meilleure reprise de l'année à Broadway. Sa metteuse en scène, que nous rencontrons ce matin, Diane Paulus, reçoit le Tony de la meilleure metteuse en scène. Pourquoi vous exercez ce métier de metteuse en scène de comédie musicale, Diane Paulus ? Avec la comédie musicale, on veut essayer de toucher les gens, les transformer. Vous voulez transformer les gens ? Oui, absolument. Moi, j'avais envisagé la politique quand j'étais jeune. Moi, je voulais être maire de New York, je voulais aider la planète entière. Mais en réalité, je me suis rendu compte que j'adorais le théâtre et la comédie musicale en particulier. J'adore faire partie d'une troupe, j'adore la musique. Ce que j'aime, c'est sortir de moi-même. Voilà. Je crois que, au cours de notre vie, nous cherchons tous un moyen d'aller au-delà de nous-mêmes. Que l'on soit sportif, que l'on fasse de l'exercice, que l'on aime l'alpinisme, ou même dans une relation amoureuse, on essaye de s'extraire de soi-même et on essaye de grandir au-delà de notre propre personne. Et ce que je fais, ça me permet tout cela. On a une histoire, on a de la musique, on a des personnages, et à partir de rien, à partir de l'invisible, on peut créer quelque chose. Qu'est-ce que vous vouliez changer chez les spectateurs avec ce spectacle, Pippin ? Very fundamentally, I always hoped. Eh bien, j'ai toujours voulu que Pippin, ça amène les gens à la vie. Notre vie, nous la menons à moitié endormie. Qu'est-ce qu'on va faire demain ? Tiens, j'aurais pas dû faire ça hier. Alors qu'il faut vivre dans le temps présent, mais vraiment dans le présent, vivre ici, maintenant. Et cette histoire de Pippin, pour moi, c'est une histoire qui raconte comment on vit vraiment, parce que c'est un spectacle qui est plein de vie. Il y a des acrobaties, donc c'est vraiment dans le présent, et donc ça vous donne un sentiment d'être en vie. Et Pippin, ça fait poser aux gens la question suivante: quel est le bon choix pour moi dans ma vie ? Et j'ai vu le public avec des vieillards de 80 ans qui pleuraient dans le public. Est-ce que c'est des gens qui regrettent de ne pas être partis avec le cirque ? Voilà la question que je me pose. Est-ce qu'ils auraient voulu mener leur vie différemment ? Mais Pippin, pour moi, et on retrouve ça à la fin, lorsqu'il y a le petit garçon qui arrive, eh bien, c'est le cycle de la vie. En fait, l'aventure de la vie est pleine d'erreurs, de prises de risques. C'est la vie. Et puis on peut décider ce qui est juste ou bon pour soi-même. Je ne veux pas, évidemment, donner de leçons ou être moraliste avec Pippin. We starve, look at one another, short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy, listening for the new tall lies with supreme visions. Something, there is a rush, in front of our lives. I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly everything, everything. Manchester. Flash Fires, Let the Sunshine In, un extrait de Air à sa recréation en 2009 à Broadway par la metteuse en scène Diane Paulus, un spectacle qui était coloré en habits d'époque. Diane Paulus, lorsque vous avez remonté Air, on replongeait vraiment à l'époque de sa création. Vous l'avez mise en scène presque comme une pièce historique, comme si on était en 1967. Well, I thought Air is about this moment in American counterculture. Pour moi, Air, c'est un moment de la contre-culture américaine, 1967, Summer of Love, l'été de l'amour. C'est différent de 68. Hein. L'optimisme en 68 a pris un virage. En 68, puis il y a eu évidemment l'assassinat de Martin Luther King. Le monde a changé. La guerre au Vietnam était en pleine montée en puissance. Mais il y avait ce moment de 67 que je voulais capturer. Et je voulais saisir ce moment parce que je pensais que la résonance n'en serait que plus forte si on se replongeait dans cette époque. Ça se passe en Amérique, c'est comme la guerre en Irak et ainsi de suite. Ça, ça ne marche pas parce que les gens ne pourraient pas regarder le spectacle et se souvenir de l'époque de 67 et se dire « Ah mon Dieu, ça, c'était ça notre pays en 67 ». Il y avait cette époque aux États-Unis où on aimait suffisamment notre pays pour exprimer ce qu'on n'aimait pas. Jim Rado est l'un des paroliers de Air. Il me racontait que les hippies de l'époque adoraient le drapeau américain. Et si vous regardez les photos, eh bien souvent on voit un hippie qui porte le drapeau américain en cap, par exemple, avec grande fierté. Ou alors... lorsqu'il y avait des concerts avec des hippies, eh bien, on voyait beaucoup le drapeau américain et on retrouvait la beauté de ce drapeau américain. Le rouge, le blanc, le bleu, les étoiles, le symbole de la liberté, les valeurs de l'Amérique, c'était la liberté pour tous. Pour les hippies, c'était l'Amérique à laquelle ils croyaient. Et lorsque l'on a recréé Air, c'était à la fin de l'ère Bush. Et on espérait qu'il y ait un changement avec Obama à la Maison Blanche. Et donc, c'était tout à fait opportun de refaire vivre Air, parce qu'on a pu se replonger dans l'ère du temps de 67. Where do I go? Follow the river. Where do I go? Follow the gulls. Where is the something? Where is the someone that tells me why I live and die? Where do I go? Follow the children. Where do I go? Follow their smiles. Is there an answer in their sweet faces that tells me why I live and die? Follow the wind song. Follow the thunder. Follow the neon in young lovers' eyes. Down to the gutter. Up to the glitter. The city where the truth lies. Where do I go? Follow the children. Where do I go? Follow their smiles. Is there an answer in their sweet faces that tells me why I live and C'est Gavin Creel qui interprétait Claude, le hippie enrôlé pour la guerre du Vietnam dans Air, à sa reprise à Broadway en 2009 dans la mise en scène de Diane Paulus, Where Do I Go? Diane Paulus, vous avez aussi fait polémique, c'était en 2011, en mettant en scène Porgy and Bess de George Gershwin. Pourquoi vous avez décidé, et on vous l'a beaucoup reproché, de le modifier, de le moderniser quand vous l'avez remonté à Broadway, Porgy and Bess? Porgy and Bess m'a été commandé par la fondation, par la famille Gershwin, les ayants droit de Ira et George Gershwin. Il y avait évidemment Dubose Hayward qui avait écrit le livret. Donc les ayants droit viennent me voir et me disent: nous voudrions créer une version de Porgy and Bess pour le théâtre musical. Il s'agit d'un opéra qui dure plus de 3 heures. C'est joué partout dans le monde, dans différents opéras. Mais à leurs yeux, ça avait ses racines dans le théâtre musical puisque ça a démarré à Broadway. Et ils se disaient que pour la génération à venir, il fallait que cette œuvre soit connu. Personnellement, moi, je n'étais pas parti pour changer l'œuvre, mais cela m'a été confié un petit peu comme on vous confie une mission. Et moi, je me suis dit que je voulais travailler avec un dramaturge afro-américain pour soutenir le livret. À l'époque, dans les années 30, lorsque Porgy Bess a été créé, c'était radical. Mais le monde a changé depuis. Comment maintenir l'intention d'origine? Donc j'ai fait appel à Suzanne Laurie Parks, qui est une dramaturge afro-américaine. Et elle et moi, nous avons travaillé pour mettre en avant la vérité, l'authenticité des personnages de Catfish Row, donc cette communauté. Je vais vous donner un exemple de ce que nous avons fait. Il y a une chanson très connue qui s'appelle « I got plenty of nothing ». And this song has a lot of controversy. Dans ce morceau, il y a pas mal d'éléments controversés parce que les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce morceau? Voilà un Afro-Américain qui est pauvre, il est infirme, et pourtant il est content, il chante. Il chante comme s'il était heureux d'être si pauvre. Donc, cette chanson, elle est parfois mal perçue parce qu'elle ne donne pas une image positive des Afro-Américains. Donc, Susan Laurie Parks a dit, bon, mettez de côté votre opinion sur ce morceau. Pourquoi, pour qui la chante-t-il? Pourquoi, à ce moment-là, décide-t-il de chanter cette chanson? Et si on se plonge dans le récit, eh bien, on comprend que Porgy est épris de Bess. Bess, c'est la fille la plus sexy de la communauté. C'est la prostituée magnifique qui attire tous les hommes. Et elle s'installe avec lui. Donc, lui, il est ravi. Il est ravi de l'avoir conquise. Donc, Susan Laurie a créé un petit peu de dialogue pour aller dans la chanson. Les autres hommes disent à Porgy, comment tu t'y es pris? Et lui, il dit, moi, je souris, mais rien. Je souris pour rien, mais j'ai tout plein de rien. C'est un petit cadre qui permet de comprendre le ressort dramaturgique. Pourquoi il chante ce morceau? Good morning! Good morning, Porgy! Oh, you looking better than good, Porgy. Look at that smile you got. What you been up to? Nothing. Nothing? Oh, I got plenty of nothing. And nothing's plenty for me. I got no car. I got no mule. I got no misery. The folks with plenty of plenty got a lock on the door. Afraid somebody's going to rob them while he's out making more. What for? I got no lock on my door. That's no way to be. They can steal a rug from the floor. You ain't got no rug. That's okay with me, cause the things that I prize, like the stars and the skies, are all free. Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got my gal, I got my song, got him the whole day long. Got my gal. Hey, Paul is looking like a new man. That's what love will do for you. He's lucky. Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got the sun, I got the moon, I got the deep blue sea. The folks with plenty of plenty got to pray all the day. It seems with plenty you sure gotta worry how to keep the devil away, away. I ain't afraid about hell till that time arrives. Never worry long as I'm well. Never one to strive to be good, to be bad. What the hell? I'm glad I'm alive. Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got my gal. I got my song, got him the whole day long. No use complaining, got my gal, got his gal, got my Lord, got his Lord, got my his soul. C'est Norm Lewis qui interprétait Porgy dans la production de Porgy and Bess, mise en scène par Diane Paulus à Broadway. I've got plenty of nothing. Diane Paulus qui est ce matin avec nous à New York sur la 42e rue de France Musique. Donc on a bien compris, vous avez aussi changé le livret de Porgy and Bess. C'était quand même assez audacieux, non ? Le livret d'origine de Porgy and Bess était rédigé en dialecte, un dialecte de Caroline du Sud. Mais en vérité, il s'agissait d'un dialecte qui était quelque peu éloigné de la langue d'origine. Donc lorsque l'on lit les paroles, vous voyez, nothing, ça s'écrit N-U-T-I-N apostrophe. Et Susan Laurie Parks a dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut écrire avec ce langage? Parce que pour elle, cela indique une limite aux acteurs, limite du point de vue de l'intelligence ou du point de vue de l'interprétation. Donc elle, elle a dit, eh bien, on va tout écrire en anglais, en bon anglais. Et puis, on aura un coach en dialecte, et nous, producteurs, nous déciderons de ce que doit être le dialecte de la communauté. Et puis, on rendra les choses plus individuelles, plus spécifiques, selon les personnages aussi. Mais c'est très intéressant, parce que les chanteurs d'opéra qui sont venus pour l'audition avaient une bonne compréhension de comment ils devaient s'y prendre. Il y avait l'archétype à suivre pour Porgy and Bess. Et nous, nous disions, voici une histoire qui raconte la vie de personnes qui pourraient être interprétées de façon différente. Comment est-ce qu'on pourrait faire des interprétations nouvelles ? Loin de moi l'idée de minimiser les artistes de l'époque. C'était des gens formidables. Leontine Price, Cab Calloway. Et leur performance était particulièrement complexe. Mais nous, nous avions là l'occasion de travailler dans l'intimité de la comédie musicale et pas dans un grand opéra. Donc nous pouvions créer quelque chose d'intime, une expérience intime avec ce que l'on connaît généralement comme étant le grand opéra. Coming back to call me, he gonna handle me in a home song. It's gonna be like dying a porgy deep inside me. But when he calls, I know I have to go. And laid your worries down. You're gonna live easy. You're gonna live high. You're gonna outshine every woman in this town. And remember, when crown come, that's my business, Bess. I loves you, Boogie. What you think I is anyway? To let some dirty hound dog steal my woman. C'est la formidable Audra McDonald qui incarnait Bess dans Porgy and Bess à Broadway en 2011 sous la direction de Diane Paulus, la metteuse en scène qui nous reçoit aujourd'hui chez elle à New York. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Yann Paulus, vous mettez pas seulement en scène des comédies musicales du répertoire, vous créez aussi des comédies musicales. Il y a eu l'an dernier Finding Neverland, d'après le film sur le créateur du personnage de Peter Pan. Et cette année, Waitress, nommée parmi les meilleures comédies musicales de la saison au Tony Awards, un spectacle original autour d'une femme mariée, victime de violences conjugales. Vous avez choisi la chanteuse pop, Sarah Bareilles, pour écrire toutes les chansons. Alors dites-nous, il y a une différence entre mettre en scène une pièce, une comédie musicale de répertoire, et créer une comédie musicale ? It is absolutely different. Oh, la différence est très grande. C'est beaucoup plus difficile de se lancer dans une création. C'est deux fois plus dur parce que dans un revival, on peut mettre toute son énergie dans l'interprétation et l'exécution. On n'est pas en train de se demander est-ce que ça va marcher, est-ce que le récit tient la route, est-ce qu'il faut qu'on change le premier morceau. Quand on crée une comédie musicale, on fait tout en même temps. Il faut tout exécuter, bien entendu, mais en parallèle, à mesure de l'exécution, on se dit est-ce que c'est bien ça ? Peut-être qu'il nous faudrait un nouveau morceau. Peut-être que l'histoire ne tient pas la route, donc c'est très très compliqué, il faut des années. Et il n'y a rien de plus dur que de créer une bonne nouvelle comédie musicale. C'est très très complexe. Et il faut beaucoup de collaboration, on fait plein d'erreurs. Et moi je suis tombée amoureuse de Waitress dès que j'ai vu le film. C'est un film très intime d'Adrienne Shelley, un film indépendant donc. C'est elle qui était la scénariste, la réalisatrice, elle a joué dedans. Et elle est décédée malheureusement avant que le film n'ait été couronné de succès. Et j'étais très émue par ce qu'elle a réussi à faire avec le film d'origine, du point de vue de la tonalité. Parce que c'est bizarre, mais c'est très drôle. C'est un petit peu comme un conte de fées, mais il y a en dessous des thèmes très sombres. Il y a de la violence domestique, il y a des relations d'abus, de manipulation. Et il y a cette femme, Jenna, qui se sent toute amoindrie dans sa vie par cette relation qu'elle vit. Et elle essaye de s'affranchir de cela. Elle essaye de se donner la liberté de rassembler ses forces, son courage, et de dire peut-être que j'ai quelque chose en moi qui vaut la peine d'avancer. C'est l'histoire d'une femme, mais je crois que les hommes comprendront de quoi il s'agit. N'importe qui peut comprendre cela. Et à Broadway, je peux vous dire qu'on fait quelque chose dans le hall d'entrée du théâtre. On a une petite table où les gens peuvent laisser des commentaires, un petit peu comme un livre d'or, si vous voulez. Les gens peuvent écrire des commentaires sur le spectacle. Et le week-end de l'ouverture, il y avait écrit une petite note qui disait « Merci de m'avoir sauvé la vie. Je sors d'une relation terrible et je vous suis reconnaissant à tout jamais. » Et c'était un homme qui avait rédigé cette note. It's not simple to say that most days I don't recognize me, that these shoes and this apron, that place and its patrons have taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything like I used to be, although it's true I was never attention's sweet center. I still remember that girl. She's imperfect, but she tries. She is good, but she lies. She is hard on herself. She is broken and won't ask for help. She is messy, but she's kind. She is lonely most of the time. She is all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She is gone, but she used to be. Slips in through a back door and carves out. believe it's so true. Now I got you. You're not what I asked for. If I'm honest, I know I would give it all back for a chance. Extrait de la toute nouvelle comédie musicale de Diane Paulus, actuellement à l'affiche à Broadway, Waitress. C'était Jessie Mueller qui incarne l'héroïne principale. Une exclusivité parce que l'album sortira début juillet, She Used to Be Mine. Merci Diane Paulus d'avoir passé cette heure avec nous sur la 42e rue de France Musique. Bon, je sais que vous êtes un petit peu abonné à ça, mais ça vous fait quoi que Waitress soit nommée parmi les meilleures comédie musicale de l'année pour la cérémonie des Tony Awards qui se déroulera dimanche prochain? Je suis emballé. Tout le monde à New York sait que c'est l'année de la comédie musicale Hamilton. On est ravis pour eux. C'est bourré de génie, cette comédie musicale. Et puis, c'est un moment très important pour le théâtre musical. Mais bon, Hamilton, c'est à guichet fermé maintenant. Donc, il faut aller voir d'autres spectacles. Et moi, je suis ravi que Waitress soit disponible à Broadway pour les spectateurs. Sarah Bareilles est une compositrice, une chanteuse formidable. Je suis ravi. Thank you very much, Diane Paulus. You're very welcome. Thank you so much. Merci. Everything has its season. Everything has its time. Show me a reason and I'll soon show you a rhyme. Cats fit on the windowsill, children fit in the snow. So why do I feel I don't fit in anywhere I go? Rivers belong where they can ramble. Eagles belong where they can fly. I've got to be where my spirit can run free. Gotta find my corner of the sky. Every man has his daydreams. Every man has his goal. People like the way dreams have us sticking to the soul. Thunderclouds have their lightning. Nightingales have their song. And don't you see, I want my life to be something more than long. Rivers belong where they can ramble. Eagles belong where they can fly. where my spirit can run free. Gotta find my corner of the sky. So many men seem destined to settle for something small, but I won't rest until I know I'll have it all. So don't ask where I'm going, just listen when I'm gone. And far away you'll hear me singing softly to the dawn. Rivers belong where they can ramble, eagles belong where they can fly. Un coin de ciel, Matthew James Thomas, un extrait de Pippin à sa recréation par Diane Paulus en 2009 à Broadway. Merci à Diane Paulus d'avoir été avec nous et puis merci à Xavier Combes pour la traduction. Dans l'actualité des comédies musicales en France, trois créations cette semaine. Le nouveau spectacle de Isabelle Georges, Amour à mort, au Théâtre Saint-Georges à Paris. Flop, signé Alexandre Bonstein, Sinan Bertrand et Patrick Laviosa, à découvrir ce week-end à la Générale à Montreuil. Et puis une création pop au Châtelet Wonderland, signé Damon Albarn, inspiré de Alice au Pays des Merveilles. Plus d'infos, le podcast, les références des disques. Tout ça, c'est sur la page de 42e rue, sur francemusique.fr. Vos commentaires et les bonus, c'est sur la page Facebook et sur notre compte Twitter. Vous pouvez aussi vous inscrire au prochain cabaret 42e rue de dimanche 19 juin avec le spectacle qui a obtenu le Molière 2016 du meilleur spectacle musical, Les Fiancés de Loche. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique à New York avec Laurent Vallière, Martine Moni, Dauphard Guéride, Victor Buton, Jean-Paul Laffa-Vergès, Perrine Minguy. On se retrouve dimanche prochain à quelques heures de la série des Tony Awards. On vous dira tout sur la saison de comédie musicale à Broadway en duplex avec notre la critique du quotidien Le New York Post à New York, Elisabeth Vincentelli. Bon dimanche à tous. Rideau.